Les automobilistes sont polis? Non, ils sont impolis. Est-ce que votre mère est heureuse? Non, je crois qu'elle est malheureuse. Ces gens sont-ils agréables? Pas du tout. Ils sont désagréables. Je pense que notre fils est toujours content. Non, au contraire, il est toujours mécontent. Est-ce que ce garçon est sensible? Je ne crois pas. Il est insensible. Ce chef d'entreprise est humain? Non, il est inhumain. Ce commerçant est-il honnête? Absolument pas. Il est malhonnête. Cette fille est vraiment sympathique. Ah bon? Moi, je la trouve antipathique.